Ok, j'enchaîne. Et c'est reparti de plus belle. J'ai gardé le meilleur de moi-même et balancé le reste à la poubelle. Je me suis cramé la cervelle sur des prods bien trop puissantes. J'ai trébuché, me suis relevé sans aisance ni élégance. Merde, ma plume est croissante au fil des jours, elle durcit. Si de fer devient ma crampe, c'est que ma vision s'obscurcit. Tous en sursis, sous sans le joug du code pénal. Je suis un crevard, je te lâche pas si tu me dois 10 balles. Je déballe ma haine à 2 francs 6 sous. Je sors du flou, je claque mon flou. Toujours inconnu dans ce move, je suis insoumis. Évite les 4 soumis, les tasses, les chats soumises. Peu impoli, peu névrotique parce que je kiffe trop le mal de vivre. À la dérive, mais je les vis pas. Voudrais arriver à grands pas, mais la chance m'aide pas. Tant mieux, parce que moi je l'aime pas, les gars. Le blasé à Zélicatma, je peux te les brûler. A2ZILIKAKMA, ok, ok. Les mecs, moi je suis OP pour tous vous ambiancer. Pas pour les tasses, mais mérite même pas leur nom sur une phase B. Je vais tarter, ça y est, Azili prend le pouvoir. Vas-y, lève ton verre aux victoires de nos déboires. Alors j'écris, le reste paraît inutile. Je débite mes rimes, t'as vu, j'ai le flow carabine. Cherche qui m'anime, manie le micro. Azili furtif, j'ai la grandeur de mes idéaux. Glandeur au grand cœur, rancœur à la main. Littéral stupeur gamin, désabusé, rêveur de grand chemin. À ceux qui disent que je me tire une balle dans le pied, je leur répondrai qu'il me reste le deuxième pour avancer. Ok, c'est Azili, Kakma représente sur la netteté. Le son est signé, inapprote, compte pas vous laisser inerte. Je compte plus les pertes, car à force je m'y perds. Il paraît que je cours à ma perte, mais j'arrive pas à m'y faire. Mes espoirs ont pris du fer, on raffermit les convictions. Inutile de brailler, ferme ta gueule, pas la solution. Arrêtez le son, pour moi c'est hors de question. Comme tant d'autres l'ont dit, y'a que ça dans lequel je me sens bon.